Tout de suite, sur France Culture, une proposition de Perrine Kervran avec Marie-Vonne Abolivier, LSD, la série documentaire. 55 minutes de radio aux coups humains, un thème et 4 épisodes à 17h et même à 23h. Cette semaine, depuis Lucie, 3 millions d'années d'humanité, une série de Franck Bessières et Assia Khalid. Au départ de cette série, il y a des fossiles, des os et cette question, comment l'être humain est-il devenu ce que nous sommes et qui ça aurait pu être parmi les 6 autres humanités? Alors pour commencer, les personnages. Un archéologue qui fait le guide, Néandertal, Sapiens, une paléo-anthropologue qui explique, une autre qui cherche les différences, un paléo-anthropologue qui raconte et un autre qui échafaude. Ensuite le décor. Une grotte, une autoroute, le mistral, la cohabitation, la suie, du métissage, des silex, des hybridations, une île, des échanges, de l'artisanat et des hypothèses. Aujourd'hui, deuxième épisode, nous sommes multiples. L'humanité plurielle, ça veut dire que, en définitive, l'humanité a toujours été diversité. Et très clairement, ce qu'on est en train de découvrir depuis quelque temps, c'est que ce que nous sommes, nous, les sapiens, bien sûr, c'est lié à la diversité des gènes des sapiens entre les populations, mais également à des gènes que nous ont communiqués les Néandertaliens, les Denisoviens, et même des gènes d'espèces qu'on n'a pas encore découvertes. On a l'ADN et on ne sait pas. Donc, quand on est évolutionniste, la règle d'or, c'est que toute différence est une richesse, est une potentialité pour notre évolution. Enfin, nous ne serions pas là s'il n'y avait pas eu cette diversité tout au long de l'histoire de l'humanité. Depuis Lucie, l'humanité plurielle. Nous avons pu approcher une définition de ce qu'est un humain. Mais l'humanité est-elle unique? Aujourd'hui, fait exceptionnel, nous sommes les seuls du genre Homo, alors qu'il y a seulement 50 000 ans, pas moins de 5 espèces se partageaient la Terre, dont au moins 3 en Eurasie. Que nous disent ces coexistences, scientifiquement, mais aussi philosophiquement? Sapiens, Néandertal, Denisova se sont côtoyés avec leurs différences, mais aussi leurs ressemblances. Un vivre ensemble paléolithique? Bienvenue à la grotte Mandrin. Donc on est en plein cœur du sillon rhodanien, à la fois dans la nature et au cœur de la civilisation. Là, ce qu'on entend derrière, c'est autoroute nationale, départementale, TGV, le tout sur 400 mètres, parce que c'était le seul axe de passage dans la vallée du Rhône qui nous relie de la Méditerranée aux grandes steppes d'Europe du Nord. Ludovic Slimak, archéologue préhistorien. La grotte Mandrin, c'est une espèce de... c'est une petite bulle dans le rocher, de 10 mètres, 10, 12 mètres de large. On a peut-être 60 mètres carrés en intérieur, couvert par une voûte de pierre, et on est ouvert plein nord, face au Mistral, avec une vue qui aujourd'hui est sur une petite forêt de chênes verts, mais qui à l'époque était complètement dégagée, parce qu'on est essentiellement dans des installations qui sont dans des périodes glaciaires, dans lesquelles il n'y a pas de couvert végétal, il n'y a pas d'arbres, très très peu. On sait qu'il y a un petit peu de pin noir dans les vallons, mais ça s'arrête à ça, et donc on a une vue dégagée là sur plusieurs dizaines de kilomètres. Ici, on enregistre à travers le temps des premières installations dans cette petite bulle dans le rocher qui ont entre 100 et 120 millénaires, dans une période tempérée très chaude. Et à partir de là, les hommes vont venir de manière très régulière jusqu'à il y a 42 000 ans, moment et de l'extinction néandertalienne et de l'arrivée supposée des premiers Homo sapiens en Europe occidentale. On a fouillé pratiquement tout l'intérieur de cette cavité. Sur les moments des dernières installations néandertaliennes et des premières installations Homo sapiens, et puis on a en dessous, comme ça, on a 7 installations sur 10 millénaires, et où on a vraiment les différentes sociétés à travers le temps, dans les derniers moments, dans les derniers millénaires de ces groupes néandertaliens. Donc on enregistre tout ça, on y a fouillé très progressivement, très lentement. Donc on est descendu d'un peu moins d'un mètre en 30 ans de travail. Est-ce qu'on est sur un site témoin de la coexistence, de la cohabitation de ces deux humanités? Alors, le truc intéressant avec Néandertal et Sapiens, c'est qu'il n'y a aucun site d'Europe ou d'Eurasie, en fait, il n'y a aucun site sur Terre qui nous permette de documenter une contemporanéité entre ces deux humanités. Les datations les plus fines, c'est certaines méthodes du carbone 14. Et avec ces méthodes-là, quand on a une datation à plus ou moins 1000 ans près, on est content. Et à plus ou moins 1000 ans près, hier soir, vous avez dîné soit avec César, soit avec Charlemagne. Un moyen de transgresser ça, ce serait de dire, bon, ok, bon, on va plus se fier sur les datations, mais on va se fier, par exemple, sur les artisanats de silex qu'on va retrouver. On va dire, bon, ça, c'est un artisanat de silex qu'on suspecte d'Homo sapiens, et ça, c'est un autre qu'on suspecte de Néandertal. Et donc, on devrait pouvoir voir dans les enregistrements de sédiments dans la grotte le moment où ils ont pu se rencontrer. Et on n'y arrive pas non plus parce que généralement, ben, on a des artisanats néandertaliens comme ça pendant des milliers d'années. Et puis d'un coup, on a de l'artisanat sapiens, mais on a aucun niveau archéologique. On se dit, ben là, on voit qu'ils ont cohabité ensemble parce qu'on a toujours l'un après l'autre. On a deux événements singuliers qui nous permettent un petit peu de transgresser ces limites qu'on vient de voir. Le premier élément, c'est que d'abord, on a des artisanats qui paraissent extrêmement modernes dans un niveau qui a été rattaché à une culture qui a été définie ici, qu'on appelait la culture du Néronien. Cette culture du Néronien, pour nous, elle est très étonnante parce que on a vraiment, techniquement, artisanalement, tous les éléments qu'on pourrait rattacher à des populations d'Homo sapiens. Mais il se trouve que ces installations préhistoriques dans la cavité ne clôturent pas les installations néandertaliennes, elles viennent en sandwich. Et donc on sait qu'il y a des installations néandertaliennes avant, on sait qu'il y a des installations néandertaliennes après, et au milieu on a ça. Et donc là, ça voudrait dire que si cette installation-là était réalisée par des Homo sapiens, on aurait très certainement un enregistrement d'une des toutes premières migrations à l'échelle continentale, et qui viendrait en territoire néandertalien, et les Néandertaliens, par derrière, reprendraient le territoire. Donc là, on aurait une contemporanéité sur un territoire donné. Par contre, contemporanéité, c'est si c'est à l'échelle du carbone 14, on est toujours à plus ou moins 1000 ans. Donc on est dans le territoire, on est en sandwich, on est avant, on est après, on commence à tourner autour du pot, mais on n'a toujours pas la démonstration d'une rencontre. Nom latin. Homo neanderthalensis. Homo sapiens. Nom d'usage. Néandertal. Il a plein de noms d'usage, Homo sapiens. On l'appelle homme moderne, homme actuel, parfois homme anatomiquement moderne. Les anglo-saxons appellent parfois Homo sapiens l'humain, mais pas que eux. En fait, ça rejoint aussi un débat sur ce qu'est être humain. Période de vie en années. De 300 000 ans à environ 30 000 ans. Homo sapiens a vécu entre il y a 200 à 300 000 ans. Alors je dis volontairement 200 à 300 000 ans parce que tous les chercheurs ne sont pas d'accord sur qui est le premier. Et il vivra encore quelques milliers d'années, on espère un peu plus. Date d'extinction. La date d'extinction d'Homo sapiens est dure à prédire. Malheureusement, elle risque de s'approcher de plus en plus vite si on continue comme ça. Taille moyenne. 1,65 m. La taille moyenne d'Homo sapiens a varié en fonction du temps et varie en fonction des régions. Les Homo sapiens, il y a quelques dizaines de milliers d'années, étaient plus costauds que les hommes d'aujourd'hui. On était bien au-delà du 1,70 m, 1,80 m, en moyenne globale. 1,70 m hommes et femmes, et puis des hommes encore plus costauds. Et puis aujourd'hui, la taille moyenne, bah, c'est entre 1,80 m pour certains groupes européens, à 1,50 m, 1,60 m en Asie. La moyenne de l'humanité, ça doit être 1,65 m à peu près, je crois. Taille du cerveau. Entre 1400 et 1700 cm3. La taille moyenne du cerveau aujourd'hui, c'est 1350 cm3. Il se trouve que les hommes, il y a 50 000 ans, avaient un cerveau plus gros que l'humanité d'aujourd'hui. Notre cerveau a rétréci au cours du temps et a même changé de forme. Répartition géographique. D'abord l'Europe, puis le Proche-Orient, jusqu'en Asie centrale. Homo sapiens se retrouve partout. Vraiment partout, on en a même parfois sur la Lune, donc c'est la plus grande des répartitions géographiques qu'il y ait jamais eu pour l'humanité. Particularité. Un homme petit, trapu, avec un énorme développement musculaire, une grande capacité crânienne, un visage imposant, avec sur la face un caractère extrêmement important, qui est une absence de fosse canine, ce qui fait que c'est un visage un peu particulier, des yeux petits, enfoncés, car surmonté d'un grand bourrelet susorbitaire. Les particularités d'Homo sapiens, ça c'est un très vaste débat. Biologiquement, on a eu tendance à croire pendant longtemps qu'il y en avait beaucoup, que c'était facile de définir ce qu'était Homo sapiens. Ce qui est certain, c'est que d'un point de vue anatomique, on a quelques rares caractéristiques. Sur le squelette, peu. Sur le crâne, il y en a un petit peu plus. Et puis une autre caractéristique qui marche à 100%, qu'on trouve que chez nous, sans qu'on sache du tout à quoi ça sert, c'est le fait d'avoir un menton osseux sur notre mandibule. Il n'y a que nous qui avons ça. Quand on parle des Néandertaliens, il faut bien se rendre compte qu'ils ont vécu pendant plus de 300 000 ans. Donc il est clair que la culture qu'on a au début de l'époque néandertalienne n'est pas celle qu'on va voir à la fin de l'époque néandertalienne. Sylvana Condémy, paléo-anthropologue. Alors, est-ce que les Néandertaliens avaient une culture homogène sur tout le territoire néandertalien ? Non. Parce qu'il faut prendre en considération à la fois les différences diachroniques, c'est-à-dire de chronologiques, entre les premiers et les derniers, et aussi des différences de cultures qui sont dues à des occupations du territoire qui sont différentes. Donc, en tant que cueilleurs-chasseurs, ils dépendent fortement de leur milieu. Les Néandertaliens qui vivaient dans le Grand Nord étaient presque entièrement carnivores. Ceux qui étaient dans la Méditerranée, sur le bassin méditerranéen, avaient tendance à utiliser beaucoup plus de végétaux dans leur alimentation. Et donc leur culture dépendait du territoire. Et c'est la même chose pour la matière première, pour les outils qu'ils faisaient. L'installation dans le territoire était quelque chose, l'organisation du groupe était quelque chose qui était totalement culturellement investi. C'est pour ça qu'on peut dire qu'on ne peut pas dire pourquoi une population vient ici. Les chevaux, ils passaient toujours à la même saison, mais les hommes, eux, ils se sont organisés de manière très très différente et ils n'ont pas du tout tenu compte des rythmes de migration des grands herbivores. Eux, ce qui les intéressait, c'était leur rythme culturel parce que leur territoire allait du sommet de cette montagne à cette rivière jusqu'à cette colline. C'est le territoire dans les populations traditionnelles, c'est l'endroit où on enterre les morts. Et donc, le territoire est investi de l'esprit des ancêtres, de toute cette mythologie-là, et investi sentimentalement. Et donc, la manière dont on va s'insérer dans le territoire est liée à son histoire, à ses mythes, à ses traditions. On a transgressé les limites du carbone 14 et par de nouvelles méthodes qu'on a appelées la fuliginochronologie, donc c'est les films de suie. On a transgressé ces limites temporelles. Aujourd'hui, à l'instant T, c'est le seul site où on ait réussi à faire ça. Donc on est dans la cavité. Une partie des remplissages de la grotte, ce sont des petites pierres qui viennent de la paroi. Donc la paroi, la voûte, ce qui était au-dessus de la tête des artisans, des hommes préhistoriques quand ils sont venus de la cavité, a enregistré des informations. Et ces informations en particulier, c'est quand les hommes faisaient le feu, la paroi devenait noire, se noircissait de suie. Et quand les hommes repartaient, la paroi redevenait blanche, elle se reconcrétionnait. Et donc ça faisait noir-blanc, noir-blanc, noir-blanc, noir-blanc. Et en fait, au bout d'un certain nombre de siècles, de dizaines d'années ou de millénaires, ces pierres qui étaient au plafond tombent et se retrouvent au sol. Et on a commencé à trouver ça dans la cavité. Ces petites pierres avec des dépôts de suie qui ont encore l'odeur, c'est incroyable. Quand on trouve cette petite pierre noire, on passe le pouce dessus, on le frotte, on le met au nez et ça sent le gibier grillé. Donc ça veut dire qu'il y a aussi toute la chimie organique. Donc on a travaillé là-dessus pendant plus de 10 ans et on a pu démontrer qu'en fait ces pierres-là enregistraient de véritables codes-barres. Noir, blanc, noir, blanc, noir, blanc, noir, blanc, noir, blanc. Donc notre résolution passe de plus ou moins 1000 ans à plus ou moins 6 mois. Et à ces plus ou moins 6 mois, on a pu trouver des suies où on avait ce qu'on a appelé des chroniques. Donc ça, c'est les travaux d'une personne qui a fait donc une thèse de doctorat là-dessus, qui s'appelle Ségolène Van de Velde. Entre le dernier feu néandertalien et le premier feu des hommes du Néronien, qui sont peut-être des homo sapiens, et il faudra continuer l'enquête pour le savoir, là, on sait qu'il se passe moins d'un an. Et ce moment, ce genre de chronique où il se passe moins d'un an entre des feux néandertaliens et des feux de quelque chose qui semble très différent, on l'a à deux reprises. On l'a dans le Néronien, il y a 54 000 ans, et on l'a il y a 42 000 ans, et jusqu'à aujourd'hui, c'est ce qu'on pense être la première installation d'Homo sapiens en Europe occidentale. Donc on est 10 à 12 millénaires après notre Néronien. Donc on a deux moments, dont un, est, on peut affirmer que là, sur ce territoire-là, il s'est passé moins d'un an, peut-être moins de 6 mois. Quand on dit qu'il se passe 6 mois, on est face à un enchaînement où, un, on peut penser que les deux populations sont sur le même territoire et que ce qu'on enregistre là, c'est une prise de territoire d'il y a 42 et peut-être aussi 54 millénaires, une prise de territoire d'une population sur une autre. Personnellement, je considère qu'il y a eu au moins 3 endroits de métissage entre sapiens et néandertal. Dans un premier temps, au moment de la première sortie d'Afrique, aux alentours de 150-200 000 ans. Un deuxième endroit de métissage vers l'Asie au nord du Levant, aux alentours de 55-60 000 ans. Et ça, nous avons des traces dans le patrimoine génétique de sapiens. Par exemple, il y a un fémur qui a été trouvé dans l'Altaï qui s'appelle Ushkim, qui porte des traces de gènes néandertaliens qui a été daté à 55 000 ans. Et dernier métissage pour moi, c'est sur le sol européen, aux alentours de 43 000 ans, 40 000 ans. Ce sont tous les métissages qui nous ont laissé des traces. Et on a en particulier, on a étudié le chromosome Y de Néandertal et on s'est rendu compte qu'il y a environ 150 000 ans, le chromosome Y de Néandertal a été complètement remplacé par un autre chromosome Y qui nous vient de Sapiens. Donc l'histoire des Néandertaliens, c'est une histoire de rencontre avant la sortie d'Afrique, la dernière grande sortie d'Afrique. L'histoire de Sapiens, c'est également une histoire de rencontre. Au fait, en étudiant en paléanthropologie, on se rend compte que bien sûr les populations étaient homogènes, bien sûr elles étaient dans leur territoire, mais dans les zones de contact, il y a toujours eu des échanges, exactement comme aujourd'hui. Ce qu'on peut analyser, c'est cette cohabitation multiple d'humanité, alors morphologiquement très différente. Antoine Balzo, paléo-anthropologue. Pour nous, c'est même inconcevable. Quand on regarde l'humanité d'aujourd'hui et qu'on se dit « nous sommes tous différents », c'est presque de la blague par rapport à ce qu'il y avait à cette époque-là. Là, c'était démultiplié, c'était des caractéristiques complètement différentes, avec probablement des comportements aussi assez différents. Mais ce qui est intéressant, c'est que on a ces traces de passage génétique entre Néandertal, Sapiens, Denisova, qui nous montrent que, bien qu'ils aient eu des morphologies différentes, des modes de vie probablement différents, ils ont pu se trouver entre eux et échanger jusqu'à leurs gènes, donc cohabiter, vivre ensemble. On peut supposer que pour ces humanités qui se croisaient il y a 200, 300 000 ans, il y avait à la fois cet étonnement de croiser des groupes humains différents, chose que nous, on ne peut pas imaginer, ça ne nous arrivera jamais, mais d'arriver quand même à passer cette barrière-là pour finalement avoir des cohabitations, alors j'allais dire intimes, parce que ça ne s'arrête pas au passage de gènes au sexe. S'il y a eu ces événements-là, ça impliquait forcément des choses plus élaborées, surtout quand on voit la capacité comportementale de ces différentes humanités-là. Il y a quelque chose de très très intéressant. C'est qu'en prenant, en analysant les silex, vous avez des verts, des rouges, des bleus, vous avez toutes les couleurs. Hein. Ils ont des propriétés, des qualités qui sont tous très très différents et on peut donner l'origine d'un silex. Donc on peut dire ce silex qui est de couleur caramel, qui a le cortex de telle manière et qui a les petits microfossiles qui vont bien à l'intérieur, il vient de cette colline qui est à 27 km au nord. Mais cet autre silex, lui, il vient de 70 km au sud-est. Et donc on peut reconstituer les territoires. Alors ce qui est très intéressant, c'est que quand on reconstitue les territoires à partir des différents silex, des types de silex qu'on retrouve dans la cavité, qu'on regarde nos silex néandertaliens, on a toute une carte avec un territoire très riche, très vaste, c'est des milliers de kilomètres carrés, et ça demande une connaissance très très fine. Cette connaissance, elle ne peut pas s'acquérir en 6 mois. Elle peut même pas s'acquérir en 10 ans. C'est des générations, de génération en génération, on s'est transmis la connaissance d'un terroir et de ses propriétés et de ses qualités et de ses ressources. Et quand on prend les territoires de nos supposés premiers Homo sapiens il y a 54 000 ans, comparés à ceux de nos derniers Néandertaliens dans lesquels il se passe moins d'un an, on est un petit peu stupéfait parce que les territoires sont strictement les mêmes. Donc ça suspecte quoi là-dessus? Ben, si d'un côté c'est Néandertal et de l'autre c'est Sapiens et qu'il se passe moins d'un an, ça veut dire que nos premiers Sapiens, lorsqu'ils arrivent ici en moyenne vallée du Rhône, sur un territoire qu'ils connaissent pas du tout, ils ont avec eux des guides. Et ces guides-là sont des guides néandertaliens. C'est eux qui étaient les populations aborigènes et qui ont commencé à partager et à leur donner des connaissances qui étaient les leurs. À l'époque de Néandertal, on trouve sur d'autres endroits géographiques de la Terre d'autres humanités. Néandertal, il faut le rappeler, c'est surtout une espèce européenne qui ensuite a eu une expansion vers l'Asie. On trouve en Asie plusieurs espèces, notamment les Denisoviens. En plus, une espèce dont on situe très très mal l'origine, mais on sait qu'elle a disparu très très tard, qui est l'homme de Flores, qui peut avoir disparu jusqu'à il y a environ 30 000 ans. Une autre espèce un peu plus loin, qu'on appelle Homo lunosensis, et sans doute, toujours en Asie, une autre espèce qui est Homo erectus, les derniers Homo erectus. En Afrique, à la même époque que Néandertal, nous avons Homo sapiens. Les Amériques, bien sûr, ne sont pas encore peuplées. Donc les restes fossiles qui ont été retrouvés et qui ont été clairement identifiés comme des restes de Denisoviens, ce sont des restes sur lesquels on a pu faire de l'ADN. Isabelle Crèvecoeur, paléoanthropologue. Il y a 3 dents, un fragment de phalange de main et un bout de mandibule. Quelle trace Denisova a laissé aujourd'hui? Il a laissé des traces dans les populations actuelles, puisqu'on a retrouvé un certain degré de flux génique dans les populations chinoises et dans les populations mélanésiennes actuelles. Il semblerait que certaines adaptations à la vie en altitude soient issues de cet échange génétique avec Denisova pour les populations qui vivent sur les hauts plateaux tibétains. Y a-t-il eu hybridation entre Denisova et d'autres espèces ? Il semblerait qu'il y ait eu hybridation avec ce qu'on appelle un hominine archaïque inconnu. Donc il y a des traces d'hybridation entre des individus de Denisova et une population qu'on n'identifie pas actuellement dans le registre fossile, qui pourrait être des Homo erectus asiatiques. Donc ça, c'est quelque chose qui est enregistré. Ensuite, il y a eu des hybridations entre Néandertal et Denisova, puisque assez récemment, on a trouvé un hybride de première génération, ce qui est vraiment exceptionnel, entre un Néandertalien et un Denisovien. Allons-nous découvrir d'autres humanités ? Avec des parties du globe qui sont peut-être encore sous-étudiées, des régions pour lesquelles voilà, on a très très peu d'enregistrements fossiles. Je pense par exemple à l'Afrique où il y a cette idée, cette hypothèse en tout cas, d'hybridation assez récente avec Homo sapiens et une population archaïque qu'on n'a pas identifiée mais qui se serait séparée de la lignée Homo sapiens il y a près de 700 000 ans. Et cette hybridation aurait eu lieu il y a 35 000 ans. C'est la fameuse espèce fantôme ? Oui, alors on l'appelle comme ça, l'espèce fantôme. C'est simplement pour montrer la limite de nos connaissances au niveau paléontologique, pour identifier en tout cas ces groupes humains. nom latin ? Il n'y en a pas. Il n'y a pas de nom latin parce qu'il n'y a pas de définition en fait, d'espèce paléontologique. Actuellement, on parle des Denisova pour parler d'une population qui est identifiée sur base génétique principalement. Homo luzonensis. Nom d'usage. Denisovien, homme de Denisova. L'homme de Luzon, l'homme de Luçon en français. Période de vie en années. D'après les informations qu'on a, on est plutôt dans la fin du Pléistocène moyen. Donc les plus anciennes traces, ce serait vers 160 000 actuellement. Jusqu'au milieu du Pléistocène supérieur, il y a des traces peut-être jusqu'à 45 000 ans. Les derniers ont probablement disparu il y a environ 50 000 ans. Les plus anciens datent d'un peu plus de 100 000 ans. Taille moyenne ? Aucune idée. On n'en a aucune idée, puisqu'on n'a pas eu la chance jusqu'à présent de découvrir un squelette partiel ou presque complet. D'après quand même la taille des différents éléments fossiles qu'on a retrouvés pour Homo luzonensis, ils devaient être de petite taille. Allez, on va dire un petit peu plus d'un mètre. Taille du cerveau. C'est pareil. On est limité par le registre fossile et on ne peut pas faire d'extrapolation avec ce qu'on a. Répartition géographique. Alors, grâce à des nouvelles découvertes récentes, on est sorti un petit peu de l'Altaï, où il était localisé, où on était vraiment limité à la grotte de Denisova. Et on a pu prouver sa présence dans les plateaux tibétains. La répartition d'Homo luzonensis, elle est restreinte à l'île de Luzon, aux Philippines. C'est uniquement là qu'on a trouvé des restes attribués à cette espèce pour l'instant. Particularité. Particularité physique, basée sur extrêmement peu de restes, plutôt des caractéristiques qu'on appelle archaïques ou plésiomorphes, c'est-à-dire des traits anciens, des traits robustes, des dents extrêmement larges, pour en tout cas les rares dents retrouvées, différents d'Homo sapiens, un petit peu différents de Néandertal aussi, et principalement des caractéristiques archaïques. Les particularités anatomiques d'Homo luzonensis, elles sont nombreuses, des éléments de très petite taille, les dents sont extrêmement petites, et on a des caractères morphologiques tout à fait étonnants sur les ossements des mains et des pieds, caractères qui étaient totalement inconnus dans le genre Homo, auquel appartient l'espèce luzonensis, mais qui ressemblent beaucoup à ce qu'on retrouve, par exemple, au niveau des os des pieds chez les australopithèques. Et ces caractères au niveau des pieds, en général, on les interprète comme indiquant des aptitudes au grimper dans les arbres. Au large de Taïwan, Florent Détroit et le chercheur philippin Armando Salvatore Mirares ont découvert sur l'île de Luzon, en 2019, une nouvelle espèce humaine, Homo luzonensis. Cette île n'a jamais été accessible à pied sec. Comment ces humains y ont-ils accédé ? Pour l'île de Luzon aux Philippines, mais aussi pour l'île de Flores en Indonésie, même pendant les périodes de plus bas niveau marin, elles n'ont jamais été rattachées au continent, donc jamais accessibles à pied sec, ça on en est absolument certain. Et pour le cas de l'île de Luzon, même en configuration de bas niveau marin, pour y arriver, il faut franchir des bras de mer. Alors il y a deux voies possibles, c'est soit par le nord, c'est-à-dire en venant de Chine, en passant par Taïwan, ça fait une traversée d'environ 400 km. Alors il y a des petites îles qui se situent au milieu, mais ça fait quand même à chaque fois des franchissements de bras de mer assez conséquents. L'autre voie possible, c'est par le sud, donc en passant par les îles indonésiennes, Sumatra, Java, Bornéo, et en remontant par la petite île de Palawan qui est au sud des Philippines, et puis en faisant encore une fois des sauts de puce d'île en île aux Philippines pour arriver sur l'île de Luzon. Alors, comment ils sont arrivés là ? Ça peut être de façon accidentelle, sur des paquets de végétation à la dérive, et puis les courants ou les vents les ont amenés là sur l'île de Luzon. Ça me paraît, moi, peu probable, parce que pour coloniser une île, hein, il suffit pas d'arriver un Adam et une Ève, hein, il faut plusieurs hommes, plusieurs femmes, il faut des ressources alimentaires, il faut des arrivées successives jusqu'à ce qu'il y ait une population qui puisse être fondée sur place. Donc ça implique forcément des arrivées successives. Mon idée, c'est peut-être qu'ils avaient une sorte d'embarcation très très rudimentaire. Évidemment, je ne parle pas de bateau, hein, mais peut-être une, une volonté finalement d'aller d'île en île, surtout quand ils pouvaient voir les îles de proche en proche, un but, un lieu qui peut-être leur donnait envie de découvrir. Ces deux espèces, à leur manière, présentent assez différemment l'une de l'autre, hein, mais présentent des attributs en particulier sur les ossements des jambes et des pieds, qui nous font penser que peut-être ils étaient capables de grimper un peu dans les arbres, mais surtout qu'ils ne devaient pas avoir une bipédie très parfaite, en tout cas pas stricte et pas d'endurance, comme décrit pour l'appartenance au genre homo. Est-ce que ces caractères nous indiqueraient qu'ils n'appartiennent pas au genre homo ? Une des hypothèses, si Homo floresiensis et Homo luzonensis appartiennent bien au genre homo, c'est qu'en fait ces caractères très primitifs qui réapparaissent au niveau des membres inférieurs pourraient être dus à des caractères, un fond de caractères primitifs qui était présent chez nos plus vieux ancêtres, aurait pu réapparaître et aurait pu être de nouveau sélectionné favorablement. En lien avec un milieu de vie insulaire, hein, probablement très forestier, ce qui n'en fait pas des australopithèques pour autant, mais qui permettrait d'expliquer la présence de ces caractères très très primitifs chez ces deux espèces. Nom latin. Homo naledi. Homo floresiensis. Nom d'usage. Eh bien, il n'en a pas encore, ce petit naledi, on l'appelle naledi. Ce nom d'usage, l'homme de Florès, ou plutôt la dame de Florès, puisque le squelette principal, était celui d'une femme. Période de vie en années. Autour de 250 000 ans. Homo floresiensis a vécu il y a 60 000 ans à il y a 100 000 ans. Peut-être un petit peu plus, mais ce sont des datations qui ont été obtenues pour les restes fossiles directement. C'est peut-être une espèce qui était un peu plus ancienne. Taille moyenne. 1m10, 1m20. D'après le squelette le plus complet attribué au Homo floresiensis, c'était un tout petit peu moins d'1m10, adulte hein, évidemment. Taille du cerveau. 600 cm3. Aux alentours de 380 cm3, ce qui est l'équivalent d'un cerveau de chimpanzé actuel ou d'un australopithèque d'il y a 3 millions d'années. Répartition géographique. Pour le moment, un seul site en Afrique du Sud. Les grottes de Rising Star. Sa répartition géographique très restreinte, puisqu'on connaît l'espèce Homo floresiensis que sur l'île de Flores en Indonésie pour l'instant. Particularité. Être tout petit et tout récent. Il a vécu en même temps qu'Homo sapiens, en ayant le cerveau d'un australopithèque en termes de taille. Homo floresiensis a de très nombreuses particularités. Les premières très marquantes, ce sont évidemment la très petite taille à l'âge adulte. Mais en fait, tous les éléments sont réduits de façon proportionnelle. Réduits de façon proportionnelle, mais dans des proportions différentes des nôtres aujourd'hui. Par exemple, les jambes étaient relativement courtes et les bras relativement longs. Et au niveau des pieds, les pieds étaient très très longs par rapport à la taille des jambes. Qui est cet humain, Homo naledi ? Pour le moment, c'est encore un mystère, dans le sens où on a trouvé pas mal de fossiles dans plusieurs petites cavités, des restes humains de différentes parties du corps, parfois un peu cassés. Antoine Balzo, paléo-anthropologue. Et qui montre une humanité très différente de ce qu'on connaissait en Afrique du Sud, et presque même quelle que soit l'époque. En fait, c'est un nouveau petit bonhomme différent de ce qu'il y avait jusque-là. Il est particulier dans sa stature, il rappelle les premiers hommes et pourtant les premiers hommes australopithèques, ces hominidés vraiment anciens. Et pourtant il a des caractéristiques qu'il rapproche aussi du genre homo, tout en ayant un tout petit cerveau. Et en fait c'est ce mélange de caractéristiques différentes, des bras un peu grands, une petite stature, un petit cerveau, mais pour autant des choses qu'on ne voit qu'au sein du genre homo, qui pose question et qui a posé question dès le début, sachant qu'au moment de sa découverte, il n'y avait pas encore de date, pas d'âge. Il peut être très ancien, avoir plusieurs millions d'années, être contemporain d'Homo erectus ou être très récent contemporain d'Homo sapiens, ce qui était complètement inattendu vu leur tête Et finalement, c'est ce dernier scénario qui a été validé par les tests de datation. C'est une date autour de 300 000 ans. Alors un monde avec plusieurs espèces humaines, ce monde a existé pendant très longtemps. Il n'y a que Homo sapiens qui perdure sur Terre. Marie-Hélène Moncel, archéologue préhistorienne. On sait par exemple qu'en Asie, plusieurs hominidés ont coexisté. Même par exemple Homo erectus a dû coexister avec les premiers hommes modernes, avec l'homme de Flores qui existait. Ces individus, d'abord, est-ce qu'ils savaient qu'ils coexistaient? Alors ça c'est la grande question, hein, parce que c'était quand même des groupes humains de petite taille, avec une très faible densité de population. Donc est-ce que l'autre existait, savoir si l'autre existait, ça c'est une grande question. Dans certains cas, on savait qu'il existait, puisqu'on sait qu'il y a eu des métissages entre l'homme de Néandertal et l'homme moderne. Comment regarder l'autre, sa différence, hein, sa différence anatomique, sa différence de corps, de morphologie de la tête. Ça devait être aussi un grand problème. Mais comment était perçu l'autre, on n'en sait rien. Peut-être qu'il était perçu avec bienveillance. Peut-être qu'il était perçu avec curiosité. On se pose la question de savoir s'il n'y a pas eu des emprunts de comportement technologique entre ces deux types d'hominidés. Donc, c'était peut-être pas si compliqué de coexister entre ces différentes espèces, d'autant plus que la densité était tellement faible qu'il y avait de la place pour tout le monde. On sait que dans cette cavité, les populations néandertaliennes se sont installées pendant des millénaires et même pendant des dizaines de millénaires. Ludovic Slimak. Et on sait aussi que, à la suite de ces installations néandertaliennes, on enregistre les installations des très initiales d'Homo sapiens vers le 42e millénaire. Là, on est sûr que c'est Homo sapiens et on est sûr que c'est Néandertal et on sait qu'il se passe moins d'une année. On suspecte cette contemporanéité dans un niveau qui est bien plus ancien, dès 54 000, et où on a, sur 50 mètres carrés, on a trouvé 1599 pointes, des petites pointes normalisées. Quand je dis normalisées, elles sont à 1 ou 2 mm d'épaisseur, toutes les mêmes. Donc c'est quelque chose de tout à fait remarquable, hein. Si vous prenez toutes les pointes d'Europe, de tous les sites pendant 300 000 ans, vous arrivez à, je sais plus, c'est quelque chose comme 857 pointes. Et là, sur 50 mètres carrés, vous faites le double. Dans ce niveau-là, d'il y a 54 000 ans, on suspecte que c'est aussi de l'Homo sapiens. Pourquoi on suspecte que c'est, et je suspecte aujourd'hui, que c'est pas Néandertal et que c'est une intrusion beaucoup plus ancienne, 10 millénaires avant ce qu'on pensait, d'Homo sapiens? Parce qu'en fait, à partir de 2016, je suis allé étudier des industries qui viennent du Liban, sur l'université d'Harvard, au Peabody Museum. J'étais là pour étudier la notion de pointe au sens large, mais il y a mille manières de faire des pointes. Et quand j'ai étudié ces artisanats-là, qui est ma spécialité, ces artisanats de pierre, et j'étais confronté à ces pointes et je me suis assis de suite parce que ce que j'avais sur la table devant moi, c'était le néronien de la grotte Mandrin. Et quand je vous dis c'est des pointes qui sont normées à un millimètre près sur presque 1600 pointes, quand j'ai pris les mesures, effectivement, statistiquement, on était au même millimètre près à 3000 km sur les flancs du Mont Liban. Là-bas, on sait que c'est Homo sapiens. Et donc, à partir de 2017, j'ai proposé que ces artisanats-là du Néronien soient aussi réalisés par Homo sapiens. Alors après, la question, c'est si on a Homo sapiens ici, on est en territoire néandertalien, on est en sandwich, du néandertalien au-dessus, du néandertalien en-dessous, et quelles ont pu être leurs relations? On sait que entre le dernier feu néandertalien et le premier feu de ces industries modernes du Néronien, il se passe moins d'un an. Est-ce que les populations se sont rencontrées? Et si elles se sont rencontrées, quelles ont été leurs interactions? C'est sapiens, si je comprends bien. On est dans la présupposition, on n'est pas dans le savoir scientifique pour l'instant, puisque ce n'est pas apparemment encore démontré. Mais ce que vous supposez, ce que vous avez publié en 2017, c'est sapiens qui arrive du Liban. Comment ça se passe? Parce que vous avez dit c'est 3-4 000 km. Oui. Donc comment ça se passe? C'est des générations qui petit à petit voyagent et arrivent jusqu'à ces terres de Drôme, ou c'est carrément des explorateurs qui partent et sur une génération, ils viennent ici, ils vont faire les 3 000 km d'une traite. Alors, entre ces 3000 km, on n'a pas de point intermédiaire. On a le Liban et on a la vallée du Rhône. J'ai travaillé presque 10 ans en Turquie, j'ai fait des fouilles là-bas et je sais qu'on n'a simplement pas les données. Ça ne veut pas dire qu'ils n'y étaient pas, mais on ne les a pas. Mais quand même, on devrait en avoir, je ne sais pas où, du côté de la Grèce, de l'Italie, de la Roumanie, peut-être, en remontant par la mer Noire. On n'a pas tout ça. Et le fait qu'on n'ait pas de point intermédiaire et qu'ici, on a des installations qui sont très précoces. Hein. On est daté aujourd'hui à 54 000 pour ces cultures très modernes du Néronien. Comment est-ce qu'on peut passer 3000 km sans avoir de traces archéologiques entre un point A et un point B? En fait, il n'y a qu'un moyen. J'exclus l'avion et donc il nous reste la navigation. Alors en quoi elle n'est pas farfelue cette arrivée par navigation? C'est qu'en fait quand on est ici dans le Néronien, dans ce 54e millénaire, on est contemporain d'un autre événement majeur, absolument majeur de l'histoire de l'humanité et qui se passe à l'autre extrémité de l'Eurasie. C'est-à-dire que exactement dans ce moment-là, de 50-54 000, on a le peuplement de l'Australie. Et on sait que là, les populations, c'est des populations entières qui sont arrivées. C'est pas 4 Pékins sur un tronc d'arbre, c'est des populations entières qui sont arrivées par navigation. Et on le sait par la génétique, c'est une grande vague. On arrive d'un coup et on traverse des pans de mer qui sont très très importants, avec énormément de courants, avec des requins, avec tout ce que vous voulez. On maîtrise des techniques de navigation qui sont déjà à 50 000, certainement déjà bien sophistiquées. La navigation, c'est une grande question en préhistoire. Jusqu'à présent, on va dire que l'immense majorité des préhistoriens, des paléanthropologues, considèrent que seul Homo sapiens a été capable de naviguer. Jusqu'à présent, voilà, personne ne remet en doute le fait qu'Homo sapiens, on est une espèce tellement intelligente, que Homo sapiens a été capable assez précocement de traverser des bras de mer et donc de faire de la navigation. Par contre, la très grande majorité des collègues ont beaucoup plus de mal à accepter ne serait-ce que l'idée, l'hypothèse, que d'autres espèces d'hommes ont peut-être aussi été capables d'une certaine forme de navigation. Mais déjà, on sait que les hommes sont curieux, ils ont toujours conquis des nouveaux territoires ou parti à la découverte de nouveaux territoires, ça on le voit depuis que le genre Homo a quitté l'Afrique. L'autre chose, c'est en lien avec cette curiosité, c'est qu'effectivement, même si ça... L'arrivée sur l'île de Luzon implique de franchir des bras de mer. Il y avait très probablement à l'époque une intervisibilité entre îles, d'île à île. Se rajoute à cela une idée que j'ai comme ça depuis très longtemps. L'Asie du Sud-Est insulaire est évidemment caractérisée par la présence d'un très grand nombre de volcans très très actifs. Et évidemment, un volcan qui est en éruption la nuit, ça fait un magnifique feu d'artifice, et surtout ça augmente considérablement l'intervisibilité. Donc, d'une part, l'observation des oiseaux, c'est quand les oiseaux partent, c'est qu'ils vont bien quelque part, mais aussi des événements exceptionnels comme des éruptions. Ah, il y a quelque chose là-bas, il y a un endroit, et si on essayait d'y aller ? Prenant en compte le fait que coloniser ces îles implique forcément des arrivées répétitives, répétées pendant une certaine période de temps, à mon avis, c'était pas si accidentel que ça. Et surtout que les tests qui ont été faits sur des arrivées accidentelles montrent que les courants et les vents sont tels qu'on arrive partout, sauf sur ces îles-là. Donc ça pose aussi cette question-là. Si on avait pu prendre un enfant d'un Homo naledi et si on l'avait mis dans une famille de sapiens, est-ce que cet enfant aurait été si différent ? On a tous des idées sur comment chaque humanité pourrait s'adapter à un milieu différent. Et en l'occurrence, en général, quand on projette des hommes préhistoriques, c'est chez nous et pas l'inverse. Et c'est vrai que cette image classique de se dire « est-ce qu'on reconnaîtrait un néandertalien dans le métro ?» On peut se la poser pour toute espèce. Si on prenait un petit naledi, est-ce qu'il pourrait vivre avec nous et qu'est-ce qui se passerait ? En fait, moi, ce qui me trouble avec cette question-là, c'est justement qu'on oublie le prisme que l'on a. Que nous, hommes d'aujourd'hui, nous ne représentons qu'une toute petite partie de ce qu'a été notre espèce. Et finalement, un néandertalien dans le métro, un Homo naledi à l'école avec nos enfants, qu'est-ce qui lui arriverait ? Évidemment, la première chose, c'est qu'il ne serait pas dans son milieu, il ne serait pas dans son environnement, parce que le milieu culturel est tellement différent qui aurait vraiment un choc direct et que tout ne se résume pas à l'anatomie, de savoir si l'individu serait suffisamment différent pour pouvoir s'intégrer ou pas. Les différences biologiques étaient tellement grandes entre ces humanités et la nôtre qu'il n'y a aucun doute sur le fait qu'on se rendrait instantanément compte que ce n'est pas un homo sapiens, que ce n'est pas un homme comme nous, parce que c'est une échelle de différence qui est beaucoup plus grande. Et ben, l'écart culturel, il serait aussi disproportionné, parce que c'est le résultat de millénaires de comportements, d'évolution, de différences, qui seraient des milliers de fois plus grandes que ce qu'on pourrait observer, typiquement en comparant un homme culturellement venant d'Europe avec un Asiatique. Les différences sont importantes, on a tous conscience quand on va dans certains pays d'avoir un décalage et que c'est pas forcément évident à vivre. N'importe quel homme d'une autre espèce projeté chez nous, le décalage serait démultiplié et ce serait évidemment un choc très important. Si on croisait un Néandertalien dans le métro, tout dépend de comment il se présenterait, ce Néandertalien. S'il était habillé comme nous, peut-être que ce qui nous choquerait peut-être le plus, c'est qu'il soit pas très longiligne, qu'il ait un visage assez puissant, avec des yeux un peu enfoncés. Mais tout dépend de comment il serait habillé. Il y a un film qui a été fait à Haut, de Malater. Et il y a une expérience très intéressante qui a été faite, c'est que l'acteur principal de ce film, qui était donc maquillé, qui avait des sortes de prothèses sur le visage, en haut des arcades sourcilières, s'est promené sur les Champs-Élysées. Eh bien, à la grande surprise du producteur et de l'époque, il n'y avait pas énormément de gens qui se retournaient sur son passage, simplement parce qu'il était habillé normalement. Donc, je pense que s'il arrivait habillé comme on l'imagine dans certains films, avec des peaux, etc., pieds nus, sales, hirsutes, les gens se rendraient compte qu'il y a quelqu'un d'étrange dans le wagon du RER. Mais s'il était bien habillé, on se dirait, le pauvre, il n'a pas de chance, t'as vu la tête qu'il a ? Si aujourd'hui on avait conservé toutes ces humanités, on aurait probablement un résultat assez différent. Difficile à imaginer, évidemment, puisque comment ces humanités auraient pu continuer à cohabiter. Ce qui est certain, c'est que ces groupes humains si différents, ces espèces humaines biologiquement différentes, culturellement différentes, ont vécu les unes à côté des autres pendant des centaines de milliers d'années. Et ont survécu ensemble, et ont vécu ensemble. Déjà, à l'échelle de l'humanité d'aujourd'hui, quand on voit ce qu'on fait de notre planète et la cohabitation qu'on peut avoir entre les peuples, c'est difficile à concevoir. Et puis surtout, moi, ce qui me touche et m'intrigue par rapport au métier que je peux avoir, par rapport à la connaissance que j'ai de l'humanité, c'est que justement, en comparant les manières d'être, en particulier la comparaison entre Néandertal et nous, en fait, moi, j'ai plutôt tendance à conclure que qu'Homo sapiens aujourd'hui est là, que nous avons des capacités indéniables, mais qu'individuellement, chacun d'entre nous n'a pas des capacités intellectuelles supérieures à celles d'un Néandertalien d'il y a 40 000 ans ou d'un Homo sapiens d'il y a 40 000 ans. À cette époque-là, ils enterraient leurs morts, ils avaient des représentations artistiques, ils faisaient des outils très très complexes, des choses qui impliquent du langage, de la transmission, une réelle culture, finalement la base de nos connaissances aujourd'hui. Et que si aujourd'hui on a cette impression d'être capable de tant de choses, d'être dans des maisons, d'avoir internet, de conduire des voitures, le biais, c'est que tout ça, même si ça existe, on n'en est pas responsable et on n'en est pas capable individuellement. Moi, on me demanderait de créer internet, de fabriquer un ordinateur, voire même un hamburger, j'en serais totalement incapable. Je serais même pas capable de tailler des outils d'il y a 40 000 ans ou d'avoir les mêmes comportements aussi complexes qu'ils pouvaient avoir. Et c'est pour ça que moi, j'ai vraiment cette intime conviction que en termes de capacité intellectuelle, de cognition, un Homo sapiens d'il y a 40 000 ans, un Néandertalien d'il y a 40 000 ans, ou moi, on est en gros au même niveau. Oh. quel serait notre monde s'il était peuplé de toutes ces humanités. J'aurais bien aimé vivre ça. Si on veut être réaliste et pas très optimiste, mais je pense que ça se serait mal passé pour les autres. Parce que c'est d'ailleurs peut-être ce qui s'est passé dans le passé pour expliquer leur disparition, mais notre espèce telle qu'elle est, telle qu'on est aujourd'hui, on est envahissant, on n'est pas partageur et on est dominateur. Aussi, pas toujours, on ne le fait pas toujours exprès de détruire la planète par exemple, mais on a besoin de tellement de ressources, on a tellement de besoins, on est une espèce tellement exigeante qu'on a tendance à éliminer tout ce qui est autour de nous. Donc j'aurais bien aimé vivre une période où plusieurs espèces d'hommes ont coexisté, mais peut-être pas avec Homo sapiens au milieu. Ah ben ces humains avaient certainement des visions du monde totalement différentes. Les visions du monde dont nous accouchons comme collectivité dépendent de notre socialité. Sébastien Boller, docteur en neurosciences. Homo sapiens a formé assez vite des groupes d'à peu près 100-150 individus. On le sait aujourd'hui grâce aux études de Robin Dunbar, l'anthropologue anglais, qui a établi une loi incroyable qui montre le parallèle entre la taille du cortex, la surface en fait du cortex d'une espèce d'hominidée, et sa capacité à socialiser, à former des groupes complexes. Il a établi une loi qui est extrêmement précise et qui explique que nos ancêtres, Homo sapiens, vivaient probablement dans des groupes de à peu près 150 individus avec qui ils pouvaient maintenir des relations complexes. Et ça, c'était vraiment dû à la puissance de calcul de son cortex cérébral très développé. Un autre humain comme Néandertal ou comme Flores, avec un cortex différent, sans doute moins social, en fait, sans doute moins équipé pour maintenir un réseau très dense de communication, avait certainement des visions du monde totalement contraintes par ça. Si vous vivez dans un groupe d'individus plus restreint, vous avez forcément des types d'échanges, des types de principes d'organisation, de la survie en communauté totalement différents. À quoi ça pouvait ressembler, je ne sais pas du tout. Mais c'était certainement peut-être beaucoup plus empreint d'émotions, peut-être de spiritualité, ou peut-être de quelque chose de plus simple aussi, que ce que nous avons construit, on le saura jamais. Mais notre cerveau est fait pour tisser des réseaux sociaux gigantesques et pour créer des visions du monde. C'est vraiment la particularité d'Homo sapiens. Depuis Lucie, l'humanité plurielle. Avec Pascal Pic, Ludovic Slimak, Sylvana Condemi, Antoine Balzo, Isabelle Crèvecoeur, Florent Détroit, Marie-Hélène Moncel, Sébastien Boller. Archive INA, Sandra Escamez, recherche musicale, Antoine Villoz, avec la voix d'Agnès Roux. Merci à Fabienne Bellès, à la ville de Malataverne et au Musée de l'Homme. Prise de son, Georges Thau. Mixage, Claude Nior. Coordination, Perrine Kervran, Marivonne Abolivier. Réalisation, Asia Khalid, un documentaire de Franck Bessière. LSD, c'est tout pour aujourd'hui. Bibliographie, lien ou pour nous écouter devant la grotte, c'est sur la page de l'émission sur franceculture.fr. Et les pages, c'est Marivonne Bolivier, Mathias Mégy et Anne-Lise Signoret. Et pour nous écouter où vous voulez et quand vous voulez, le podcast sur l'application Radio France et ailleurs. Et pour se parler, c'est sur Twitter et même sur Instagram. Demain, troisième épisode, la néolithisation, première erreur de l'humanité. Et pensez aux autres rendez-vous documentaires de France Culture, toute une vie, l'expérience, une histoire particulière et les pieds sur terre.